sur le sentier qu'use l'habitude, il va, muet, sans détour, là-haut où le silence élude le bruit des vivants et des jours. Nul mot n'attend, nul cri n'appelle, rien que le vent dans les buissons et cette boîte, toujours belle, dans son oubli, dans sa prison. Il monte, et le vieux rite l'absorbe encore sans illusion. Tournez le cadran, geste en fuite, comme on sonne une oraison. En bas l'attend, patiente, hélas, sa monture au soupir d'essence. Et nul ne sait combien s'efface d'âme et de foi dans ce silence. Là-haut, une âme en robe grise compte les heures, lit sans fin des psaumes que le temps déguise, en doux refrain pour le matin. Mais quand la flamme enfin s'éteint et que s'envole l'habit blanc, il ne restera qu'une enseigne, une boîte au flanc du néant.